un lion. J'ai pris ma feuille et mon crayon. Oh, dit-il, il a l'air méchant. Il a dévoré mes 20 ans. L'enfant m'a dit, dessine un homme. J'ai pris mon crayon et ma gomme. Son fusil, dit-il, a l'air vrai. Il a tué ce que j'aimais. L'enfant m'a dit, fais une fleur. Il était si persuasif. D'une rose, je suis captif. Ses épines sont dans mon cœur. L'enfant m'a dit, fais un oiseau. Une colombe, s'il te plaît. Elle s'est envolée si haut que le monde n'a plus de paix. L'enfant m'a dit, fais un ruisseau. J'aime entendre le chant de l'eau. Oh, dit-il, il a l'air profond. Mon chagrin s'est noyé au fond. L'enfant m'a dit, dessine un cœur. Je voudrais y mettre dedans le sourire de ma maman. Mes yeux se sont voilés de pleurs. L'enfant m'a dit, fais une femme. J'y ai mis tant d'applications. Quel peuple mes illusions. Règne au pays de mon âme.